Chapitre 15. Il est temps de renouer connaissance avec deux personnages du premier épisode de cette histoire. Nous voulons parler de Cerise et de Léon Roland. On s'en souvient, la jolie fleuriste avait épousé l'heureux Léon le jour même où le comte Armand de Kergaz épousait Mademoiselle de Balder. Au moment où l'ouvrier ébéniste sortait de l'église donnant le bras à sa jeune femme, Monsieur de Kergaz s'était approché de lui. « Mon ami, lui dit-il, je pars à l'instant même, et dans quelques heures je serai fort loin de Paris. »« Allez, monsieur le comte, répondit Roland, je comprends que vous voulez vivre un peu seul avec votre bonheur. »« Mais si je pars, dit le comte, je n'oublie pas que ce bonheur dont vous parlez, c'est à vous et à votre belle et vertueuse jeune femme que je le dois, et je tiens à conserver votre bonne amitié pour mon retour. » « Ah, monsieur le comte, s'écria Cerise, n'est-ce point un trop grand honneur pour nous ?»« Non, dit Armand, tous les nobles cœurs sont frères. » Et remettant une lettre à Léon. « Pour vous prouver que je vous considère comme un ami, je vais vous charger d'une mission, importante, que je crois digne de vous. »« Ah, parlez, monsieur le comte, parlez !» murmura Léon tout ému. « Mes instructions sont contenues dans cette lettre, dit-il. Adieu, au revoir plutôt. » Et le comte passa, offrit la main à sa jeune femme, la fit monter dans sa chaise de poste qui attendait tout attelée à la porte de l'église, et l'équipage partit au grand trot, emportant, comme avait dit Léon, le bonheur sur ses coussins de soie. Alors, Léon Roland brisa la volumineuse enveloppe que lui avait remise le comte. Elle renfermait deux lettres. L'une, dont la souscription était de la main de Jeanne, était à l'adresse de Cerise. L'autre, écrite par le comte, était pour Léon Roland. Léon ouvrit la sienne et lut « Mon ami ». Si je me soustrais pour quelques mois à la tâche que je me suis imposée, c'est que j'ai la conviction profonde que je laisse à Paris des cœurs aussi dévoués que le mien à l'œuvre du bien que je poursuis et que le vôtre est un de ceux qui me seconderont le plus énergiquement. Permettez-moi donc, mon ami, de vous charger d'une mission. Il y a à Paris de longs mois d'hiver, pendant lesquels le pain est cher et le bois encore plus, où de nombreuses familles vivent de l'insuffisant salaire de leur chef, salaire que souvent le manque d'argent réduit à néant. Vous avez été ouvrier, vous savez les misères, les douleurs et aussi les vertus de vos frères. Vous êtes donc celui que je choisis de préférence pour soulager ses misères, consoler ses douleurs, encourager ses vertus ignorées. Vous étiez ouvrier ? Je vous fais patron. Allez vous établir au cœur du faubourg Saint-Antoine, ouvrez-y un vaste atelier de menuiserie et d'ébénisterie, et occupez 200 ouvriers. Donnez de préférence du travail à ceux qui sont pères de famille. Pour vos choix, consultez toujours votre cœur. Je joins ma lettre un bon sur mon banquier de 100 000 francs pour vos frais d'installation, et je vous ouvre chez lui un crédit que votre expérience limitera. Armand. « Ma chère Cerise, Armand vient d'écrire à Léon sous mes yeux et me donner sa lettre à lire. Moi aussi, j'ai une bonne et charitable idée, et puisque Léon est l'exécuteur de celle d'Armand, je veux vous charger de mettre la mienne en pratique. Puisque Léon va ouvrir un vaste atelier pour hommes, pourquoi, ma chère Cerise, n'en dirigeriez-vous pas un destiné à des femmes, à de jeunes orphelines, que le manque d'ouvrage, les tentations du luxe, les fascinations du vice pourrait éloigner du droit chemin, et qui n'aurait pas le courage de travailler 12 ou 15 heures, comme vous l'avez fait longtemps, pour gagner un mince salaire. Armand met à ma disposition 50 000 francs et un crédit chez son banquier. Aussi je vous laisse, en partant, mes pleins pouvoirs, et vous prie de me garder cette amitié dont vous m'avez déjà donné tant de preuves. Jeanne. Léon et Cerise, après avoir lu ces deux lettres, se regardèrent, et dans ce regard échangé, ils se jurèrent d'exécuter les volontés de leur bienfaiteur. 6 mois après, au milieu du faubourg Saint-Antoine, les deux ateliers, qui occupaient à eux deux une vaste maison, se trouvaient en pleine activité. 3 ans plus tard, Léon Roland était un des fabricants du faubourg Saint-Antoine le plus en vogue et qui occupe le plus d'ouvriers. Et Cerise se trouvait à la tête de vastes ateliers de confection, où les orphelines et les mères chargées de famille trouvaient toujours de l'ouvrage à un prix plus élevé que partout ailleurs. Or, précisément le jour même où la belle inconnue avait un moment quitté le chevet de Fernand blessé pour courir, déguisée en ouvrière, sur la place de la Bastille, le maître ébéniste était dans son magasin vers 11 heures du matin environ, occupé avec son contremaître et son caissier dans une petite pièce convertie en bureau. Un apprenti, qui rendait au patron quelques légers services domestiques, frappa discrètement à la porte et, sur l'invitation de Léon, pénétra dans le bureau. « Que veux-tu, Minet ?» demanda le maître ouvrier. « Patron, » répondit l'apprenti, à qui ce surnom de Minet avait été donné par ses camarades de l'atelier, précisément à cause de sa jolie figure futée et batoise et de la légèreté avec laquelle il grimpait aux barreaux des croisées le long des charpentes et se laissait couler du haut en bas de l'escalier, à cheval sur la rampe. « C'est une jeune fille qui désire vous parler. » Léon crut que sa femme, qui occupait les étages supérieurs de la maison, lui envoyait une de ses ouvrières, et l'y aminait. « J'y suis, fais-la entrer. » Alors le patron vit apparaître sur le seuil cette éblouissante et mignonne créature que nous connaissons déjà, et qui était tout aussi séduisante sous les humbles vêtements d'ouvrière qu'elle l'était quelques heures auparavant aux yeux de Fernand Rocher, sous la robe de chambre de la femme élégante et riche. Turquoise était, comme Chérubin le charmeur, doué de cette puissance de fascination qui s'exerce par le regard. Léon éprouva à sa vue une commotion à peu près semblable à celle qu'avait éprouvée Fernand Rocher, et il baissa involontairement les yeux sous ce regard bleu et profond qu'elle laissa peser sur lui. Ce rayonnement étrange, donnant à ses yeux un pouvoir magnétique assez grand pour jeter à la fois le trouble, et chez l'homme oisif, vivant, comme Fernand Rocher, dans un monde opulent et distingué, et chez un pauvre ouvrier, simple de cœur et d'esprit, tel que Léon Roland. Léon tressaillit donc involontairement à la vue de la jeune femme et, machinalement, il lui indiquait un siège. « Monsieur Roland ? » demanda-t-elle de sa voix la plus douce, la plus mélodieusement timbrée. « C'est moi, mademoiselle. » La jeune femme jeta un regard défiant sur les deux personnes qui se trouvaient dans le bureau. Léon crut deviner qu'elle n'osait pas parler devant elle, et d'un signe les congédia. « Je vous écoute, mademoiselle, » dit-il. Elle baissait les yeux et paraissait toute tremblante. « Monsieur, » dit-elle enfin, « vous avez fait travailler il y a 2 ans un ouvrier du nom de François Garin. »« Oui, mademoiselle, c'est probable du moins. Je crois me rappeler ce nom-là, » dit Léon qui consulta ses souvenirs. « C'était un homme âgé de 55 ans environ. » « Oui, » fit-elle d'un signe de tête, levant de nouveau sur lui ce regard qui l'avait fait frissonner tout entier. « Un ouvrier de la province, » reprit Léon qui se souvenait tout à fait de l'homme dont on lui parlait. « Il était venu à Paris et n'avait pu y trouver de l'ouvrage. Je l'ai occupé environ 6 mois. « Précisément, monsieur. » Puis il est retourné dans son pays où il avait une fille. « C'était moi, monsieur, » dit la jeune femme d'une voix émue. « Vous ?» fit Léon surpris. « Je me nomme Eugénie Garin, » répondit-elle avec tristesse. « Et votre père ?» demanda Léon. « C'est lui qui m'envoie, monsieur. »« Ah, je devine, » dit le brave ouvrier. « Il craint sans doute que je ne sois fâché contre lui, vu qu'il m'a quitté un peu brusquement. Mais, » ajouta-t-il en souriant, « dites-lui que j'ai toujours pour lui du travail et de l'argent d'avance, il est gêné. »« Hélas, » murmura la jeune femme, « mon père ne travaillera plus, mon cher monsieur. » Elle parut comprimer un gros soupir. « Il est aveugle, » dit-elle. « Aveugle ?» s'écria Léon. « Depuis 6 mois, monsieur, » répondit-elle en levant sur lui de nouveau son magnifique regard. « Ah, je comprends, » fit l'ouvrier. « Et vous avez eu raison, mademoiselle, de songer à moi. Je vous en remercie. » L'inconnu rougit et parut se troubler. « Vous vous trompez peut-être, monsieur, » murmura-t-elle. « Nous sommes fiers. C'est du travail que je viens vous demander. » Et comme Léon faisait un geste, elle se hâta d'ajouter « « Madame Roland, » m'a dit mon père, « est une brave et digne femme qui ne refusera pas de te donner de l'ouvrage. »« Certes non, » dit Léon. « Malheureusement, » reprit-elle en baissant modestement les yeux, « je ne pourrais venir travailler à l'atelier et quitter mon père. Non seulement il est aveugle, mais encore il est infirme. »« Qu'à cela ne tienne, » dit Léon, « Cerise vous donnera de l'ouvrage à emporter. » Et le brave garçon se leva et lui dit, « Ma femme est sortie en ce moment. » Elle est allée chez madame la comtesse de Kergaz, mais elle ne tardera pas à rentrer. Voulez-vous l'attendre ? Oui, monsieur, répondit-elle humblement. Tout en parlant, Léon jetait un coup d'œil sur les vêtements misérables de la jeune femme, sur cette propreté qui lui semblait essayer en vain de dissimuler la misère. Il éprouvait déjà pour elle un sentiment qu'il croyait n'être que de la compassion, bien qu'en réalité il fût d'une nature impossible à définir. « Venez, dit-il, je vais vous conduire là-haut, à l'atelier. Ma femme ne peut tarder à rentrer. » La jeune femme le suivit, toujours humble, toujours modeste, et le visage empreint de tristesse. « C'est singulier, » poursuivit Léon en gravissant l'escalier qui conduisait au premier étage. « Ce François Garin était un assez triste drôle, à l'atelier, et voici que je suis pris de compassion pour lui. » Et se tournant vers la jeune femme, « Où demeure votre père ? » demanda-t-il. « À deux pas d'ici, » répondit-elle, « rue de Charonne, 23. Bien, j'irai le voir tout à l'heure. Quand vous êtes venu, j'allais sortir et me rendre précisément dans cette rue où j'ai un entrepôt de bois. » Et Léon tourna le bouton de la porte d'entrée de son appartement. Le logement particulier de Léon Roland se trouvait, comme on le voit, au premier étage et donné par une porte sur l'atelier de confection. Il se composait de 4 petites pièces, une salle à manger, un petit salon, 2 chambres à coucher, dont l'une était occupée par les jeunes époux, l'autre par la mère de Léon. Tout cela était propre, modeste, et respirait l'aisance honnête que procure le travail. « Maman, » dit Léon à sa mère, « se risait-elle rentrée ?»« Pas encore, » répondit la vieille, qui avait conservé son costume de paysanne et ses sabots. « Tenez, » dit Léon, « voilà une jeune fille qui va l'attendre ici et que je lui recommande expressément. C'est la fille d'un de mes anciens ouvriers. » Puis, s'adressant à l'inconnu, « Mademoiselle, voulez-vous déjeuner avec nous ? Dans une heure, Cerise sera ici. »« Merci, » répondit-elle avec tristesse. « Et pardonnez-moi, monsieur, si je ne puis accepter, mais mon père... » Léon, ému jusqu'aux larmes, pensa que peut-être il n'y avait pas de pain chez le pauvre aveugle et que cette pensée empêchait sa fille d'accepter son invitation. « Soit, » dit-il, « mais attendez, Cerise, et attendez-moi. J'ai une course de quelques minutes à faire, je serai bientôt de retour. » Et Léon, laissant sa jeune protégée auprès de sa mère, descendit rapidement dans son bureau, mit son paletot et sortit. Le maître ouvrier gagna la rue de Charonne d'un pas rapide, s'arrêta devant le numéro 23 et jeta au portier le nom de François Garin. « Au 6e, la 3e porte à gauche dans le couloir, » répondit l'autocrate de la loge. Léon gravit un escalier sale et tortueux, arrivé au 6e et frappa à la porte indiquée dont la clé se trouvait dans la serrure. « Entrez, » dit une voix chevrotante à l'intérieur. Léon poussa la porte et son cœur se serra douloureusement à la vue du réduit dans lequel il pénétrait. C'était une petite pièce mansardée qui n'avait plus d'autre meuble qu'un lit de sangle, un grabat, une table et 2 chaises. Dans le lit, un vieillard était enveloppé dans une mince couverture trop légère pour la saison rigoureuse. Le grabat était sans doute destiné à sa fille. La cheminée était sans feu. Sur la table, il y avait quelques assiettes fêlées et vides, un morceau de pain, une cruche pleine d'eau. Dans un coin, une vieille malle en bois où sans doute étaient serrées les dernières hardes de la misérable famille. Dans ce vieillard, dont les yeux étaient rouges et sans rayonnement, preuve certaine que sa cécité provenait de son intempérance, Léon reconnut son ancien ouvrier François Garin. « Qui est là ? » demanda l'aveugle d'une voix lamentable. « C'est moi, » répondit Léon. « Moi, Léon Roland. »« Ah, mon cher monsieur, » s'écria l'aveugle, « est-ce possible ? Tant d'honneur à un misérable comme moi. « Votre fille est venue me voir, père Garin. »« Ah !» murmura l'ouvrier, qui parut retenir ses sanglots avec peine. « La chère enfant du bon Dieu, sans elle je serais mort, mon bon monsieur Roland. » Et le vieillard se dressa à demi sur son lit et raconta avec des sanglots comprimés que sa fille le nourrissait depuis bientôt 6 mois, travaillant 18 heures par jour pour gagner de 15 à 20 sous. « Hélas, » acheva-t-il, « voici la morte saison qui va venir pour les dentelières, et ma fille n'a plus d'ouvrage. Alors j'ai songé à vous, mon bon monsieur Roland, et j'ai pensé que votre petite dame... » « Vous avez eu raison, mon ami, » dit le maître ouvrier. « Votre fille est en ce moment à la maison, et ma femme lui donnera de l'ouvrage. Mais en attendant, ne vous fâchez pas, père Garin, permettez-moi de vous prêter un peu d'argent. » L'aveugle cacha sa tête dans ses mains. « Ah » murmura-t-il, « je n'ai plus la force d'être père quand je songe à ma pauvre enfant. » Et il tendit humblement la main. Léon y mit 2 pièces d'or et lui dit, « Je reviendrai vous voir demain. Adieu, père Garin. Je vais vous renvoyer votre fille. » Léo Roland descendit et frappa au carreau de la loge du portier. Une vieille femme, coiffée d'un madras en forme de turban, lui apparut et d'une voix aigre demanda ce qu'il désirait. « Montez chez le père Garin, » dit Roland en lui donnant 10 francs, « un cotteret pour lui faire du feu et portez-lui du bœuf et du bouillon. Ayez soin de lui, je reviendrai. » La portière, qui n'était pas habituée à de semblables munificences, salua jusqu'à terre et s'empressa d'exécuter les ordres de Roland, tandis que celui-ci regagnait le faubourg Saint-Antoine et son domicile. Précisément comme il traversait la place de la Bastille, Cerise revenait de l'hôtel de Kergaz, reconnut son mari, pressa le pas et courut à lui. « Ah, te voilà !» dit Léon, qui lui offrit aussitôt son bras. « Oui, mon cher petit homme, » répondit Cerise, employant avec son mari cette épithète amicale fort répandue parmi les ouvriers de Paris. Cerise était toujours cette vertueuse et jolie fille que nous avons connue autrefois rue du Faubourg du Temple, si rieuse et si gaie, et travaillant de si grand cœur en songeant à ses chers amours. Le mariage l'avait embellie. Ce n'était plus la petite fille de 16 ans. C'était la jeune femme de 21 ans, dont la taille avait acquis toute son élégance, dont les traits charmants avaient perdu ces légers indices de fatigue, qui sont la conséquence de la nubilité, et souvent d'un travail forcé peu soutenu par une nourriture insuffisante chez les femmes du peuple. Cerise était devenue une femme jeune et charmante, qui faisait l'admiration naïve des habitants du faubourg, dans lequel on ne l'appelait que la belle Madame Roland. Cerise, enfin, était la plus heureuse des femmes, car elle avait un mari qu'elle aimait et un jeune enfant qu'elle adorait, et le bonheur embellit encore. « Mon enfant, » lui dit Léon, « pressons un peu le pas et hâtons-nous de rentrer. Pourquoi donc est-il déjà l'heure de déjeuner ?»« Ce n'est pas cela, » dit Léon en souriant. « On t'attend à la maison. »« Ah, et qui donc ?»« Une pauvre fille sans ouvrage. » Et Léon raconta à sa femme son entrevue avec la fille du père Garin et sa visite au vieil aveugle. Ce récit donna des ailes à la bonne Cerise. Elle monta, légère comme une biche, l'escalier de la maison, tant elle avait hâte, la chère femme du bon Dieu, de soulager une misère, et Léon la suivit. Eugénie Garin, ou du moins celle qui portait ce nom, était assise dans la salle à manger, conservant son attitude modeste et mélancolique. Elle vit entrer Cerise et Léon Roland en même temps, et elle devina que la première était celle qu'elle attendait. Et alors elle leva de nouveau ses yeux sur Léon Roland, puis elle les reporta sur Cerise. Ce double regard produisit de résultats également étranges. La jeune femme était pauvrement vêtue, elle avait l'apparence de l'honnêteté et de la misère réunie, et cependant, sous le poids de son regard, Cerise tressaillit et se troubla comme si un animal venimeux, un reptile, se fût dressé devant elle. On eût dit qu'elle avait le pressentiment que le malheur venait d'entrer dans sa maison. En même temps, Léon ressentit également une commotion inconnue qui fouetta son sang dans ses veines. Aucune de ces impressions n'échappa à la prétendue fille du père Garin. « Et de deux, » pensa-t-elle. Puis elle baissa les yeux, ajouta mentalement, « Avant 8 jours, cet homme sera amoureux fou de moi, et cette femme sera jalouse. »